a fait des efforts. Chacun nos fautes, chacun nos raisons, chacun nos torts. Mais à mort, toi et moi sommes liés jusqu'à la mort. J'en ai perdu la raison, perdu le nord. Chaque jour t'aimes un peu plus fort, encore et encore. Tu auras marqué ma vie, joli comme Paris. Donc entre toi et moi c'est magique. Entre toi mon cœur s'agite. Je sais que la fin sera tragique. On finira par s'asseoir, sachez. Je l'avais jamais envisagé. Mais on veut que se fâcher, on veut plus se cacher. Je crois qu'on a déjà tout gâché. Ton sourire me désarme, comme quand je fais couler tes larmes. Pourquoi tant de vacarme? Dis-moi pourquoi on s'acharne. On se prend la tête et on se fait la reggae. J't'ai toujours voulu à mes côtés. Maintenant je renonce à ta beauté. Toi et moi c'est toxique, babe. Pourquoi on s'obstine? C'est devenu toxique, baby. Dis-moi pourquoi on s'obstine. J'connais tes peurs, j'connais ton cœur, j'connais ton corps par cœur. J'connais mes peurs, tu connais mon cœur, tu connais mon corps par cœur. Pour ça qu'on s'obstine, baby. Toi et moi c'est toxique, baby. Toi et moi c'est toxique, yeah. Pourquoi j'fais autant de mal? À croire que ça nous fait du bien. On en a fait des efforts, chacun nos raisons, chacun nos torts, chacun nos fautes, chacun nos dons. On s'est trop blessé, demander pardon. J'ai même voulu que tu portes mon nom. Et parfois je veux même plus voir ton nom. J'ai l'impression d'être aimanté. Tu m'attires comme un aimant, on sature comme une aimant. On veut du sexe pimenté, de pieds purs cimentés. Dans un cercle vicieux que nos sales vices nous font alimenter. Pourquoi sommes-nous toujours tentés? Pourquoi on se pousse à bout? Ça me rend fou, je t'avoue. Pourquoi on se pousse à bout? Ça me rend fou, je t'avoue. Comme tu souris, me désarme. Quand je fais couler tes larmes. Pourquoi autant de vacarme? Dis-moi pourquoi on s'acharne. Et moi c'est toxique.